dans la forêt de Beauce-Lande, les Odiles, les Elfes, les Salamandres ne sont jamais partis. Ailleurs aussi, à l'ombre des arbres, dans l'eau, dans l'atmosphère, gentils dames, gentils hommes, Merlin l'enchanteur est de retour. La science et le progrès ont continué. Des hommes ont perdu des combats. Les vies et ses cycles de mort et de renaissance sont poursuivis. Gentil homme, gentille dame, Merlin l'enchanteur est de retour. Les châteaux forts se sont écoulés, Cervantes a poursuivi sa littérature. L'homme de la Mancha a survécu. Jacques Brel et Léo Ferré l'ont chanté pour le saluer. Gentilhomme, gentille dame, Merlin l'enchanteur est de retour. Le facteur est entré dans le nouveau quartier de l'ancienne usine de la ville. Les studios des premiers chanteurs qui ont enregistré s'en sont allés. Salut, frère Pâté, frère Lumière. Certes, tout est fini aujourd'hui, mais il y a encore des chanteurs qui s'expriment et qui ont des choses à dire. Gentille dame, gentille homme, Merlin l'enchanteur.